Envers toi, qui m'a aimé passionnément. Mais au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Pardonne-moi l'incrédulité. Je viens vers toi, car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oh, oh, oh, oh, oh. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. De t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, I want to thank you for tonight. We are grateful for our lives. We are grateful for what you've done today. We are grateful for what you've done in the week, Lord. Father, we thank you for goodness, for your mercy. Holy Spirit, we thank you that you are here. We ask you to lead us. We ask you to speak to us. We ask you to touch us. We ask you to remind us. Holy Spirit, thank you. Help us tonight. In the name of Jesus. Father, bless you. Have mercy. In the name of Jesus. Hallelujah. Seigneur, aie pitié, Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié, Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié. For the cross, for the cross. toi ma reconnaissance. Oh Jésus, Jésus, reçois ma reconnaissance. Pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, Jésus, pour ta venue, ton esprit, ton salut. Ton esprit, ton salut. Reçois ma reconnaissance. Est-ce que tu peux lever la main? Reçois ma reconnaissance. Pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, pour ton esprit, ton salut. Ton esprit, ton salut. Reçois ma reconnaissance. Lève les mains, ferme les yeux. Jésus, oh, ma reconnaissance. Pour ce qu'il a fait pour toi, pour la croix. Oh, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton esprit, ton salut. Ton esprit, ton salut. Father, we bless you. We are forever grateful. Thank you for the cross. Thank you for your spirit, Lord. Thank you for salvation, Lord. Father, we bless you. We give you the glory in the name of Jesus. And everyone say amen. Amen. Please be seated. Hallelujah. Tonight we want to continue. Ce soir nous allons continuer. Hallelujah. Who is blessed to be here tonight? Qui est béni d'être ici ce soir? Is there a program this today that people are not in church? Is there Y a-t-il un programme aujourd'hui qui fait en sorte que les gens ne soient pas ici? Is there something somewhere that? Est-ce qu'il y a quelque chose quelque part? At school or? À l'école ou bien? Is there something? So where are they? Huh? Where are the shepherds? So where are the sheep? Where's your sheep? Hallelujah. Amen. Last week we talked about how you can be helped by praying in tongues. La semaine passée nous avons parlé de comment tu peux être aidé par le parler en langue. Hallelujah. Amen. As a Christian, en tant que chrétien, you need the Holy Spirit. Tu as besoin du Saint-Esprit. To help you. Pour t'aider. To succeed. À réussir. Hallelujah. Amen. As a believer. En tant que chrétien. Hallelujah. Amen. And one of the things that helps you. Et l'une des choses qui t'aide. Is to speak in tongues. C'est de parler en langue. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah, and so if you speak in tongues, donc si tu parles en langue, you need to speak more. Tu dois parler plus. More. Plus. More. Plus. Not when you come to church. Pas seulement quand tu viens when à l'église. You are alone. Quand tu es seul. Yeah, when you are discouraged. Quand tu es découragé. When you don't feel like reading your Bible. Quand tu n'as pas envie de lire when ta you Bible. Don't feel like coming to church. Quand tu n'as pas envie de venir à l'église. When you feel some temptations. Quand tu ressens des tentations. You start to speak in tongues. Tu commences à parler en langue. Hallelujah. Amen. And the Holy Spirit will strengthen you. Et le Saint-Esprit va te fortifier. Because the Bible says 1 Corinthians chapter 14 verse 4. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14 verset 4. Verset 4 ou 3. Hallelujah. Amen. He that speaketh in unknown tongues edify himself. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Hallelujah. Amen. Amen. You edify yourself when you speak in tongues. Tu t'édifies toi-même quand tu parles en langue. Amen. Amen. It means that if you don't speak in tongues, ça veut dire que si tu ne parles pas en langue, you are weak. Tu es faible. You get it? Est-ce que vous comprenez? You understand it? Est-ce que vous comprenez? Yeah, if you don't speak in tongues, you become weak. Si tu ne parles weak. Pas en langue, tu deviens très faible. In spiritual things. Dans les choses spirituelles. Hallelujah. Amen. It's not physical, it's spiritual. C'est pas physique, c'est spirituel. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec you moi? Know, nowadays, vous savez, de nos jours, physical strength does not do much. La force physique ne fait pas beaucoup. Yeah, before. Avant. It used to when you are strong and you have body. Quand tu es fort et tu as un corps fight. Pour te battre. I know some tribes. Je connais certaines tribus. Before you marry. Avant de te marier. As a man. En tant qu'un homme, you have to fight with another man. Tu dois te battre avec un autre homme. Before you can get somebody to marry. Avant d'avoir quelqu'un à épouser. Is it in your culture? Et que c'est dans votre culture? It's not. C'est pas. There's olden cultures. Ce sont les cultures anciennes. Yeah, you have to fight before you get somebody to marry. Tu dois te battre avant d'épouser quelqu'un. Because we need to know that you are very strong. Parce qu'on va savoir que tu es très that fort. You can protect the woman. Que tu peux protéger la femme. You can provide for the woman. Tu peux pourvoir pour you la femme. You need physical strength. Tu as besoin de force physique. But these days, no. Mais de nos jours, non. It's not about physical strength. Il ne s'agit pas de la force physique. Even physical strength is a problem sometimes. Même la force physique, c'est un problème parfois. Because if the woman you don't take care, the physical strength can beat you up. Parce que si tu es une femme et tu ne fais pas attention, cette force physique peut te frapper. At home. À la maison. Yeah? So now physical strength is not the main thing. Donc maintenant, la force physique, c'est pas la chose principale. Yeah. In spiritual things, physical strength don't matter so much. Dans les choses spirituelles, la force physique ne compte pas pour beaucoup. But spiritual strength. Mais la force spirituelle. Strength in your inner mind. La force dans ton homme intérieur. Strength in your spirit. La force dans ton esprit. That's why Paul prayed. Voilà pourquoi Paul a prié. In Ephesians chapter 3. Dans Ephésiens 3. That you be strengthened with might in your inner man. Que tu seras fortifié puissamment dans ton homme intérieur. Hallelujah. Amen. To be strengthened. D'être fortifié in your spirit. Dans ton esprit. In your spirit. Dans ton esprit. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? You see how important it is to pray in tongues. Vous voyez combien important c'est de prier en langue. Amen. Amen. Yeah. So you edify yourself. Donc tu t'édifies toi-même. When you start to pray in tongues. Quand tu commences à parler en langue. Amen. Amen. Are you here? Yeah. So I want to maybe advise you. Donc j'aimerais vous conseiller. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? That 90% or 80% of your prayers. Que 80% de vos prières. Should be in tongues. Devrait être en langue. Yeah. When you are alone. Quand tu es seul. Pray in tongues. Prie en langue. Pray in tongues. Prie en langue. Hallelujah. Amen. Yeah, because that when you come out of your room. Comme ça, quand tu sors de ta chambre. Hallelujah. Amen. You face a lot of things. Tu rencontres beaucoup de choses. A lot of things act in your on your act. A lot of things influence you. Beaucoup de choses t'influencent. Amen. Amen. And one of the things that will help you is your spirit. Et l'une des choses qui va t'aider, c'est ton esprit. If your spirit is not strong, si ton esprit n'est pas fort, you can be affected. Tu peux être affecté. Yeah. Hallelujah. Amen. Is it a good idea to pray a lot? Est-ce que c'est une bonne idée de prier beaucoup en langue? In tongues. En langue. Hallelujah. Amen. In tongues. En langue. You are not doing anything wrong. Tu ne fais rien de mauvais. You are not stupid. Tu n'es pas stupide. Because the devil will tell you are stupid. What are you trying to say? Parce que le diable va te dire tu es stupide. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Have you felt that before? Est-ce que vous avez eu ça auparavant? Have you felt it before? Est-ce que vous avez senti that ça you feel like bad. Tu te sens comme mal. You feel like you are doing something wrong. Tu te sens, tu as l'impression de faire quelque chose de mauvais. Alors que tu commences à prier en langue. Yeah, sometimes you feel like, oh, let me speak in my own language. Parfois je dis non, laisse-moi prier dans mon langage propre, ou laisse-moi prier en français ou en anglais. That one God will hear. Ça là, Dieu va comprendre. But when I speak in tongues, God will not. Where is he going? God does not understand. Mais quand je prie en langue, où est-ce que ça va? Dieu ne comprend pas. Yeah, it happens. Ça that, arrive. That's happened to me. Ça m'est arrivé déjà. Yeah, that's happened. Ça m'est arrivé. So it's possible that happens to you. Donc c'est possible que ça t'arrive aussi. Hallelujah. Ephesians chapter 6 verse 18. Ephésiens 5 verset 18. Chapter 6 verse 18. Ephésiens 6 18. Hallelujah. Ephesians chapter 6 verse 18. Where's your Bible? Où est votre Bible? Open your Bible. Ephesians chapter 6 verse 18. The Bible says, praying always with all kinds of prayer and supplication in the spirit, watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Hallelujah. Amen. Have you seen? Est-ce que vous avez vu? Praying always with all kinds of prayer. Priez en tout temps. In the Spirit. Priez en tout temps en langue. Praying with always with all kinds of prayer in the Spirit. Priez par l'Esprit toutes sortes de prières. Hallelujah. Amen. In the Spirit. Dans l'Esprit. Always. Toujours. Always. Toujours. Always. Toujours. Hallelujah. Amen. Have you seen it? Are you here? Est-ce que vous êtes là? You understand the word? Est-ce que vous comprenez les mots? Yeah. Praying always with all kinds of prayer in the Spirit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. In the Spirit. En Esprit. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Romans chapter 8. Romains 8. Verse. What verse? What's the verse? Verse 6. Okay. Is 36 or 26? 26, yeah. Verse 26. Oh, French. All kinds of prayer, okay? And likewise the Spirit also helps our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Hallelujah. Amen. Yeah, with groanings. Avec des soupirs. Yeah, groanings. Des groanings. Soupirs. For we know not what we should pray for. Quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Do you know what you should pray for? Est-ce que tu sais ce pourquoi tu dois prier? Do you know what you should pray for? Est-ce que tu sais ce pourquoi tu dois prier? So what are you praying for? Donc de quoi est-ce pourquoi est-ce que tu pries? What are you praying for? Pourquoi est-ce que tu pries? What did you pray for today? De quoi pourquoi est-ce que tu as pourquoi as-tu prié aujourd'hui? What was your prayer topic today? Quel était ton sujet de prière aujourd'hui? Pardon? Daily bread. Daily bread. Le pain quotidien. Daily bread, what you need today. C'est dont tu as besoin aujourd'hui. Yeah, most of the time it's daily bread. La plupart du temps, c'est le pain quotidien. Daily bread, what you need now. C'est dont tu as besoin maintenant. Yeah, but is that what you need? Mais est-ce de ce dont tu as besoin? Is that what you need? Est-ce de ce dont tu as besoin? You don't know. Tu ne sais pas. Hallelujah. Amen. This verse is very relevant. Ce verset est très important. Yeah, very, very relevant. Très, très important. For we don't know what we should pray for as we ought. Quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Yeah, as we ought. Comme nous devrons. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Daily bread, mais it's not daily bread. C'est pas le pain quotidien. A wife, but it's not a wife. You don't need a wife. Une femme, c'est but pas une femme. For a wife. Mais tu pries pour une femme. Hallelujah. Amen. Yeah, it's very, very important because there are a lot of things we don't know. C'est très, très important parce qu'il y a beaucoup you de choses que nous ne savons pas. Do you know how your intestines are working? Comme, est-ce que tu sais comment tes intestins fonctionnent? Do you know? Est-ce que vous savez? Do you know? Est-ce que vous savez? Yeah. There are a lot of things that are around us that we don't know. Il y a beaucoup de choses autour de nous que nous ne savons pas. You don't know. Tu ne sais pas. You don't know. Tu ne sais pas. For we don't know what we should pray for as we ought. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Some of you shouldn't have come to Accra. Certains de vous n'auraient pas dû venir à Accra. Some of you maybe you shouldn't have come to Accra. Peut-être vous n'aurez pas dû venir à Accra. Or maybe the person is not here, is at home. Ou peut-être la personne n'est pas ici, elle est à la maison. The person shouldn't have come to Accra. La personne ne devait pas venir à Accra. Yeah. But you prayed that I want. Mais tu as prié, tu voulais venir à Accra. Then you wanted to come to Accra. Et tu voulais venir then à you Accra. Came to Accra. Et tu es venu à Accra. Yeah. Because you didn't know that Accra wasn't good for you. The person didn't know. La personne ne savait pas qu'Accra n'était pas bon pour elle. Yeah. People have come to Accra and they've died. Les gens sont venus à Accra et sont morts. Oh. Ou bien. Yeah. We don't know what we should pray for as we ought. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Yeah. As we ought. Comme nous devrions. Yeah. As we ought. Comme nous devrions. So the Holy Spirit help us our infirmities. Donc le Saint-Esprit aide nos infirmités. Infirmities. Nos infirmités. That weakness. Cette faiblesse. That shortcoming. Cette faute. Shortcoming. That limit. Cette limite. We are limited. Nous sommes limités. In our knowledge of life. Dans notre connaissance of de la that vie. Concern us. Des choses qui nous concernent. Limited. Nous sommes limités. Oh, ou bien. We are limited. We don't know. Nous ne savons pas. We don't know. Nous ne savons pas. That's why the Holy Spirit is there. Voilà pourquoi le Saint-Esprit with est là. Groanings. Avec des soupirs. Baya, for 2 hours. 2 heures. You don't know what it is, but God knows. The Holy Spirit is helping you. Tu ne sais pas de quoi il s'agit, mais le Saint-Esprit t'aide. Le Saint-Esprit t'aide. Because you don't know. Parce que tu ne sais pas. You don't know. Tu ne sais pas. But the Holy Spirit knows. Mais le Saint-Esprit sait. He knows. Il sait. He knows. Il sait. He knows your life. Il connaît ta vie. He knows. Il connaît. He knows that you are going to have an accident. Il sait que tu auras un accident. As you are praying now. Mais alors que tu pries maintenant, preventing that accident. Il empêche cet accident. Yeah, in the spirit. Dans l'esprit. But when you get up, mais quand oh tu te lèves, Lord, I want to get home and get some acheke to eat. Mais quand tu te réveilles, tu dis, oh Seigneur, je veux arriver oh à la maison Lord, et avoir de la chiquée. Je veux avoir un bon rêve. I don't want to have bad dreams. Je ne veux pas avoir de mauvais rêves. But you don't know that there's an accident waiting for you. Mais tu ne sais pas qu'il y a un accident qui t'attend. Do you know something? Vous savez quoi? Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Yeah, we don't know what you pray for. Nous ne savons pas de quoi for. Nous devons prier. For. So speaking in tongues, you are speaking mysteries. Donc quand tu parles en langue, tu parles des mystères. Because you don't know what it is. Des mystères parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. You don't know. Tu ne sais pas. Hallelujah. Amen. So this is why like personal prayer. Donc c'est une prière personnelle. Des prières personnelles en langue. Wow. Wow. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Are you here? Êtes-vous là? Are you going to pray in tongues? Est-ce que vous allez prier en langue? More. Plus. More. Plus. And you know what you do? Vous savez ce qu'on fait? Sometimes just You can just say, Lord, my studies. Et parfois tu peux juste dire, Seigneur, mes études. Because there are a lot of things concerning your education. Parce qu'il y a beaucoup de choses concernant tes études. Maybe you think that is the lecturer who is the problem. Peut-être parfois tu penses que c'est l'enseignant qui est le problème. But it's not the lecturer. Mais c'est pas l'enseignant. So you say, Lord, my studies. Donc je dis, Seigneur, mes études. Then, baya. So anything. Anything concerning your studies. Tout ce qui concerne tes études, le Saint-Esprit connaît. Yeah, the Holy Spirit knows. Saint-Esprit connaît. He knows. Il connaît. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Yeah. Studies. Tes études. This lecturer, when I go to class, when I ask a question, he's angry. When I ask, then he doesn't explain the thing. Lord, please touch the heart of the lecturer. Tu vas dire, oh non, cet enseignant, quand je vais à l'école, je pose des questions, il ne me répond pas. Oh Seigneur, s'il te plaît, touche le cœur de cet enseignant. It's not the lecturer. C'est pas l'enseignant. It's not the lecturer. C'est pas l'enseignant. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you here? Ah. Let me show you a verse. Laissez-moi vous montrer un verset. In Corinthians. Dans Corinthiens. 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthiens 14. Are you here? Vous y êtes? 1 Corinthians or 2 Corinthians? 1 Corinthians. 1 Corinthiens. OK. 2 Corinthians. 2 Corinthiens. Chapter 10. Verset 10. Second Corinthians chapter 10, verse 2, verse 1, verse 2, verse 2, verse 2, verse 3. Okay, verse 3. 2 Corinthians 10, verset 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Verse 3 says, for though we walk in the flesh, we do not walk after the flesh. Verset 3 dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Yeah. So there are a lot of things that concern your life that are not in the flesh. Donc il y a beaucoup de choses qui concernent ta vie qui ne sont pas dans la chair. A lot of things that are changing, affecting you negatively, which are not in the flesh. Il y a des choses qui t'affectent négativement, mais qui ne sont pas dans la chair. You can't see them. Tu ne peux pas les voir. Yeah. So maybe it's, you think that it's your lecturer. Donc peut-être tu as pensé que c'est ton enseignant. It's not him because it's a human being. Mais c'est pas lui parce que c'est un être humain, il a la chair. Hallelujah. Amen. So you need the Holy Spirit. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. And you need praying in tongues. Et tu as besoin de prier en langue. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Are you here? You need the Holy Spirit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Because you don't know. Parce que tu ne sais pas. Is it your family? C'est ta famille. It's not your uncle. C'est pas ton oncle. It's not your auntie. C'est pas ta tante. It's not your father. C'est pas ton père. It's not your mother. C'est pas ta mère. You think it's your mother. Tu penses que c'est ta mère. Then this verse is wrong. Donc ça veut dire que ce verset est faux. But this verse cannot be wrong. Mais ce verset ne peut pas être faux. Are you here? Vous êtes là. Yeah. So bye. Lord, my family. Bye. Donc tu dis Seigneur ma famille et tu commences à prier en langue. There are things in the spirit. Il y a des choses dans l'esprit. There are snakes in the spirit. Il y a des serpents dans l'esprit. Yeah, there are horses in the spirit. Il y a des chevaux dans Black l'esprit. Horse. Des chevaux noirs dans l'esprit. That bring confusion in your family. Qui apporte la confusion dans ta famille. Yeah, you need the Holy Spirit. Tu as besoin du Saint-Esprit. You need spiritual arms. Tu as besoin des armes spirituelles. Yeah. Because they are fighting with people that you shouldn't fight with. Tu te bats avec des personnes dont tu ne devrais pas te battre avec. Alléluia. Amen. Are you here? Yeah. Some of you, we struggle with you because spirits are influencing you. Certains d'entre vous, nous battons, nous souffrons avec vous parce qu'il y a des esprits qui vous contrôlent. The shepherd is struggling with you. Le berger souffre avec toi. Because spirits are influencing you. Parce que des esprits t'influencent. That's why shepherds you speak in tongues. Voilà pour les bergers, vous devez parler en. C'est Medevi. Tu dis Medevi. Baya baya baya baya baya baya. You see that the spirit will run away. Tu vas voir que l'esprit va fuir. Because the spirit does not understand what you are saying. Parce que l'esprit ne comprend pas ce que tu dis. It's only God. C'est seulement Dieu. You can say, oh God, Medevi, he doesn't want when I say something, he doesn't listen. This is no, it's not Medevi. Tu vas dire, oh Dieu, Medevi, quand je lui parle, il n'écoute pas. Non, c'est pas Medevi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Nous ne pouvons pas le voir. Yeah, we can't see that. We can't see it. Nous ne pouvons pas voir cette But chose. See that the person is behaving in a certain way. Mais tu vois que la personne se comporte d'une certaine manière. This thing. Cette chose. Are you here? Vous êtes là. Yeah, because we do not war after the flesh. Parce que nous ne combattons pas selon la chair. Yeah, we war after the spirit. Nous combattons selon Bring l'esprit. Breaking down every high thing. Nous renversons toute forteresse. Anything that is against the word of God. Toute chose qui est contre la parole we de Dieu. It down. Nous la brisons. Yeah. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. That's why you are weak. Voilà pourquoi tu es faible. That's why you are weak. Voilà pourquoi tu es faible. Yeah, that's why you are weak. You think that is me. me. No, no, no. Tu crois que c'est moi. Non, il y a quelque chose qui t'influence. Il y a quelque chose qui t'influence. If your eyes will be open to see. Si tes yeux étaient ouverts, see that there are snakes in your room. Tu verras qu'il y a des serpents dans ta chambre. Tie your legs. Ils ont attaché tes pieds. You can't get up to pray. Tu ne peux pas te lever pour prier. Some people say that, oh, I'm in the bed and I feel I'm heavy. Oh, God. Je suis au lit et je me sens lourd. Je ne peux pas me lever. Maybe there's a big snake that's lying on you, so you can't get up. Peut-être un gros serpent qui t'a attaché pour que tu ne te lèves pas. Don't be afraid. N'aie pas peur. The snake will leave. Some of you, there's this monkey. Certains d'entre vous, il y a ce singe sleep more, qui vous fait sleep le vent, dort plus. You see that the sleep is sweet. Tu vas voir que le sommeil est doux. It's not made of it. C'est pas made of it. The sleep is sweet. You can't get up to pray. Le sommeil est doux et tu ne peux pas te lever pour prier. You can't get up to learn. Pas te lever pour apprendre. So you are, et donc tu échoues à tes examens. Some of you, the spirit influences you. Certains d'entre vous, l'esprit t'influence. You become, you are respectable. Tu deviens. You don't want to people to laugh at you. Tu ne veux pas que les gens se moquent de toi. Yeah, you don't want people to laugh at you. Tu ne veux pas que les gens se moquent de toi. You want to speak English? Oh, they will laugh at me. They will laugh at me. Quand tu dis, oh, si je parle anglais, ils vont se moquer de moi. It's a spirit of respectability. C'est un esprit de respectabilité. Yeah. A spirit of respectability. You don't want to be ashamed. Tu ne veux pas avoir honte. You don't want people to laugh at you. Tu ne veux pas que les gens so se moquent de toi. So you can't open your mouth and speak donc English. Donc tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour parler l'anglais. Est-ce que vous comprenez? Are you here? Est-ce vous là? Oh, do you understand the message? Est-ce que vous comprenez le message? Because we don't war after the flesh, oh. Parce que nous ne combattons pas selon la chair. We are in the flesh, but we don't war after the flesh. Nous sommes dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, 3. Yeah. Not after the flesh. Pas selon la chair. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Yeah. Things are influencing us. Les choses qui nous influencent et nous ne comprenons pas. Things are going on in your life, you don't understand. Les choses se passent dans ta vie et tu ne comprends pas. You think that is physical? It's not physical. Est-ce que vous pensez que c'est physique? Ce n'est pas physique. Yeah. So you need to pray. Donc tu as besoin de prier. Des prières personnelles. Alone. Seul. Speaking in tongues. Tu parles en langue. Fais ça, moi. Un Samuel. First Samuel chapter 1. 1 Samuel chapitre 1. Verse 10. Verset 10. Are you here? Is it verse 10? Yeah, verse 10. Verset 10. No, verse 13. No, verse 12, 13. Verset 12 à 13. Ah. Okay, I read it. And it came to pass that as she continued praying before the Lord, and Eli marked her mouth. Now, Hannah, she spake in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore, Eli thought she had been drunken. 1 Samuel 1, verset 12 à 13. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Eli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Eli pensait qu'elle était ivre. She needed a son. Elle voulait un fils. She cannot give birth. Elle ne peut pas enfanter. And it's not physical. Et c'est pas physique. And she was praying. Et elle priait. She was desperate. Elle était désespérée. And she prayed. Her lips were moving. Elle a prié, ses lèvres bougeaient. puissance. Something was happening in the spirit. Quelque chose se passait dans l'esprit. Yeah. And by that prayer, Samuel was, prophet Samuel was born. Et à par cette prière, le prophète Samuel était né. Yeah. Prophet Samuel was born. Le prophète Samuel était né. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Prayer in your room. Prayer. La prière dans ta chambre. Prayer, bro, stelebe, kele chambro. Some of you left your room. You don't know who has come to your room. Certains d'entre vous laissez votre chambre. Vous ne savez pas qui est rentré dans votre chambre. You've locked the door. Tu as fermé la porte. But you don't, somebody has gone in. Mais tu ne sais pas que quelqu'un est allé waiting là-bas. For you. Et ta, la personne t'attend. Huh? Waiting for you. Elle t'attend. Today you sleep and then you have some dreams. Et aujourd'hui tu vas dormir, tu auras certains rêves. When you open your door, bro, telebe, kalashambro, salababa, antelebro, selebebe, kelechambo. Leave now. Quand tu ouvres ta chambre, tu commences à parler en langue et tu dis sors maintenant au nom de Jésus. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Yeah. I remember so many times. Je me souviens plusieurs fois. Then I travel. J'ai voyagé. Then the hotel room. Et je suis dans la chambre d'hôtel. I have my bag. J'avais mon sac. Then I'll start from the door. Et je commence depuis la porte. Bro, stelebe. Antelebro. Amen. A new person has come. Une nouvelle personne whoever est arrivée. Whoever is to leave now. Quiconque se trouve ici quitte maintenant. Amen. The blood. Et tu appliques le sang. Yeah. Amen. Prophet Kakra, do you know Prophet Kakra? Est-ce que vous connaissez le prophète Kakra? Yes, he preached a message. Il a prêché un message. He said, et il a dit, there are doors on the floor in your room. Il y a des portes dans, sur le and sol dans doors ta chambre. On the ceiling. Et il y a des portes sur la toiture. By which par lesquelles demons enter your les room. Démons entrent ta chambre. Yeah. A doors from the floor. Under the ground. Des portes sous-sol. So you need to spray the blood. Donc tu dois appliquer le sang. Spray the blood. Tu appliques le sang. Yeah. Yes, even speak to mirrors. Moi j'ai même déjà parlé in au the miroir hotel room, dans l'hôtel. I spread the blood over this mirror. J'ai mis le sang de Jésus sur ce miroir. Because you don't know what is in them. Parce que tu ne sais pas ce qui est dans le miroir. Yeah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you here? Vous êtes là. Are you going to pray? Allez-vous prier? You see that your life will change. Vous allez voir que vos vies vont changer. You'll be a strong Christian. Tu seras un chrétien fort. Yeah. God has not given anything for just for giving sake. Dieu n'a pas donné quelque chose juste pour le plaisir de donner. Yeah, God has not given us a Holy Spirit just there. Il n'a pas donné le Saint-Esprit juste là. Non, non, nous, nous n'utilisons pas le Saint-Esprit. We don't employ the Holy Spirit to work for us. Nous n'employons pas le Saint-Esprit pour travailler because pour he's nous. There to help you. Il est là pour t'aider. He's there to help you every il est là pour t'aider à chaque minute. And I'm sure that every time Holy Spirit will be crying as look at you, you invite me to come. Et je suis sûr qu'à tout moment le Saint-Esprit pleure et il dit regarde-moi celui-là, tu ne m'invites pas pour t'aider. Yeah. Rather you are calling people. Mais plutôt tu appelles des gens, des personnes qui ne vont même pas t'aider. Yeah. Cannot help you. Des personnes qui ne peuvent pas t'aider. Alléluia. Amen. Are you here? Will you pray? Vas-tu prier? In tongues. En langue. Bro stelebe kele bambro. Yi kele mabro stelebe kele chambra. Antelebro, c'est le bébé. I remember sometime I went somewhere. Je me souviens une fois, je suis allé quelque part. I think it was a funeral. Je crois que c'était un funérail. Long time ago. Ça remonte. Then I think we're shaking hands. Et je crois qu'on se so serrait les mains. So when I get your hands, bro, c'est le bébé. Donc quand j'arrive à ta main, bro, je prie en langue. Bro, c'est le bébé. Bro, c'est le bébé. Do you know the hand? Do you know what the hand has done? Que tu sais ce que la main a fait, la main que tu vas saluer, que tu sais ce que ça. You don't know. Amen. Tu ne sais pas. Hallelujah. Amen. Amen. Are you here? Vous êtes là. Yeah. My people, you hug strangers. Mais vous embrassez des étrangers. You kiss them. Vous les embrassez. You hold them. Vous les serrez. You remove their dress. Vous enlevez, vous enlevez leurs habits. Don't let me say something. Don't let me say something. Ne me faites pas dire quelque chose. You don't know. Vous ne savez pas. You don't know. Vous ne savez pas. You have to be careful. Vous devez faire attention. You are a spiritual person. Tu es une personne spirituelle. Yeah, a spiritual person. Une personne spirituelle. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. God has given us to help us. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Beaucoup d'entre nous, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous devons commencer à prier en langue. Prier en langue. Alors que tu marches dans la ville, prie en langue. As you are going to school, you are praying tongues. Alors que tu vas à l'école, tu pries en langue. Prie en langue. Because it's your spirit that is praying. Your intelligence, your mind is not praying. Parce que c'est ton esprit qui prie, ton intelligence ne prie pas. Yeah. So you can be doing something and praying tongues. Donc tu peux être en train de faire quelque chose et prier en langue. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Êtes-vous là? If it's not important, Paul would not say that he prayed more than everybody. Si c'était pas important, Paul n'aurait pas dit qu'il priait plus que tout le monde. Yeah. He prayed in tongues more than everybody. Il priait en langue plus que tout le monde. Yeah. And you see that if you start to pray in tongues, et tu verras que quand tu commences à prier en langue, you operate immediately in the spiritual realm. Immédiatement, tu opères dans le domaine spirituel. Because your prayer is inspired by the Holy Spirit. Parce que ta prière est inspirée par le Saint-Esprit. Yeah, you enter the spiritual realm. Tu entres le domaine spirituel. That you don't see. Que tu ne vois pas. And your prayer will be doing things. Et ta prière fera des choses. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Yeah. You can believe or you don't believe, but tu it's peux there. Croire ou tu ne peux pas croire, mais c'est vrai. It's not because you don't believe, so it's not there. C'est pas parce que tu ne crois pas que c'est pas là. It's not because you don't believe it, so it's not there. It's pas parce que tu ne crois pas, c'est là. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah. So we are going to pray in tongues. Donc nous allons prier en langue. Pray in tongues. Prie en langue. Yeah. Yeah. This one just revision. Ça c'est juste la révision. I've not. Yes. But are you blessed? Êtes-vous béni? Are you blessed? Yeah. No, today I just want to share with you 8 different kinds of prayers. Ce soir, je veux juste vous partager 8 différents types de prières. 8 different types of prayer. 8 différents types de prières. Okay, because Ephesians chapter 6 verse 8 says, parce que Ephésiens 8 dit, always with all kinds of prayer. Faisons toujours toutes sortes de prières. Hallelujah. Amen. And supplication in the spirit. Et les supplications dans l'esprit. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, so the first type of prayer. Donc le premier type de prière is the prayer of consecration. C'est la prière de consécration. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, Matthew 6 verse 39. Matthieu 6 verset 39. Matthew 6 39. Matthieu 6 39. Okay, Matthew 26 verse 39. Matthieu 26, verset 29. 26, 39. 26, 39. Okay. Are you there? Amen. Yes. And he went a little further and fell on his face. Matthieu 26, verse 39. And fell on Matthieu his face. Matthieu 26, verset 39. And praying, saying, Oh, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hallelujah. Amen. The prayer of consecration is the prayer where you pray for the will of God. La prière de consécration, c'est celle où tu pries pour la volonté de Dieu. Amen. Amen. It's not always you have been asking God, give me. C'est pas à chaque fois que tu vas dire Dieu, donne-moi. Sometimes you say God, let your will be done. Parfois tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Let your will be done. Que ta volonté soit faite. Hallelujah. Amen. It's a prayer. God loves those who ask for the will. Dieu aime ceux qui demandent sa volonté. Yeah. God loves it. Dieu aime ça. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, yeah. I like it all the time when my son will come. But, I said, Daddy, choose for me. Moi, j'aime ça quand mon fils vient et il me dit, Papa, choisis pour moi. Yeah, choose for me. Choisis pour moi. The last time he asked me, I think on Monday. Le lundi. On Monday or Tuesday. Lundi ou mardi. He said, there's fried plantain. Il a dit, il y a la banane grillée. And rice. Et du riz. Daddy, should I eat rice alone or rice with basmati plantain? Il a dit, Papa, dois-je manger le riz seulement ou je dois ajouter la banane grillée? And I said, choose what you want to eat. Il a dit, choisis ce que tu veux manger. He said, no, choose for me. Il a dit, non, choisis pour moi. Yeah. It's nice to see somebody also choose for me. Et c'est beau de voir aussi quelqu'un qui dit, choisis pour moi. Yeah. But young people, when eight, I pray that when he's 18, he will not, he will do this, he will say the same thing. Je prie quand il sera 18 ans, il va toujours dire la même chose. Because when we get to 15, parce 16, qu'on arrive 15 ans, 18, 16 ans, 18 19, ans, 19 ans, 20, 20 ans, nobody can advise you. Personne ne peut te conseiller. Yeah, you want to do your own thing. Tu veux faire chose propre. Yeah. It's not always. C'est pas toujours. And you are not always right. Et tu n'es pas toujours juste. A lot of things you don't know. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. You need somebody. Tu as besoin de quelqu'un. Somebody. You always need somebody. À la dernière fois, je disais à quelqu'un, tu as toujours besoin de quelqu'un qui va te dire que ce que tu fais là n'est pas juste ou c'est juste. Yeah. If you don't have anybody who will tell you that, si tu n'as personne pour te dire cela, you're afraid your life will not go well. Tu dois avoir peur parce que ta vie n'est pas correcte. Yeah. Alléluia. Amen. Do you know what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah. She's saying amen because she's grown up. Elle dit amen parce qu'elle elle est grande maintenant. Vous ne disiez pas amen. Because you don't understand what I'm saying. Parce que vous ne comprenez pas de quoi je parle. Yeah. When you grow up, then you realize that if I had somebody. Quand vous allez grandir, vous allez réaliser que si j'avais who's quelqu'un. Who's there for directing my life? Qui est là pour diriger ma vie? That, oh, this is you're taking is good. Pour me dire ce que tu fais là est bien. Ou bien ça c'est oh, pas go bien. Here. Oh, va oh, là-bas. Don't go here. Oh, ne va pas oh, là-bas. Do this course. Fais don't cette do formation. This course. Ne fais pas cette formation. If you have somebody to do that. Quelqu'un pour faire ça. When you are 40 years, your life will be different. Quand tu auras 40 ans, ta vie sera différente. Yeah. But if you are there, you want to do what you want. Mais si tu es là et tu veux faire ce que tu veux. Nobody can tell you that no, don't do that. Personne ne peut te dire non, ne fais pas ça. It's very dangerous. C'est très très dangereux. Ah, be careful. Fais attention. Be careful. Fais attention. You understand? Vous comprenez? Be careful. And those of you that your parents cannot advise you. Et ceux d'entre vous dont les parents ne peuvent pas vous conseiller. I'll say it and say it again. Je vais le dire et dire encore. It's very important. Parce que c'est très important. Ah, very important. Très important. You need somebody. Tu as besoin de quelqu'un. And if you are in church, you need a pastor. Et si tu as l'église, tu as besoin d'un pasteur. Tu as besoin d'un berger. Who will tell you that no, don't do this. Qui va te dire non, ne fais do pas this. Ceci, fais cela. Yeah, your life will not go well if you don't have anybody. Ta vie n'ira pas correctement si tu n'as personne. Yeah. And those who don't have shepherd. Et ceux qui n'ont pas de berger. Yeah. Yeah. The shepherd is there, but you don't consider the person as a shepherd. Le berger est là, mais tu ne considères pas la personne comme un berger. You are in danger. Tu es en danger. You don't know what you are missing. Tu ne sais pas ce que tu rates. Yeah. You don't know. Tu ne sais pas. Hallelujah. Amen. Are you here? Vous êtes là. Yeah. So, prayer of consecration, you commit your decisions to God. Donc la prière de consécration, tu remets tes décisions à Dieu. And God decides for you. Et Dieu décide pour toi. God directs your path. Dieu dirige tes pas. Hallelujah. Amen. God direct your path. Dieu dirige tes pas. What is even better? Ce qui est même mieux, somebody who knows better, c'est qu'une personne qui connaît or God mieux who knows everything, ou Dieu qui connaît tout is directing you. Dirige tes pas. Amen. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous là? Yeah, that's why when a boy says, no, I don't love you again. Voilà pourquoi quand un garçon dit non, je ne t'aime plus. You rather thank God. Remercie plutôt Dieu. That he has taken a foolish boy from your life. Qu'il a enlevé un garçon stupide de ta vie. You people. When those stupid people they leave you, then you are crying. Vous, quand ces stupides personnes vous quittent, vous pleurez. Because you don't know that you are. Parce que tu ne connais pas. You are being delivered. Que tu ne connais pas que tu es en train d'être délivré. Hein? You don't know. So tu you ne are savais crying. Pas, donc tu pleures. God says, look at my daughter. Et Dieu dit, regarde ma fille. She doesn't know anything. That's why she's crying. Elle ne connaît rien. Voilà pourquoi elle pleure. Yeah. Because when you prayed a prayer of consecration, parce que quand tu pries une prière de consécration, anything that comes, you know that God is doing something. Tout ce qui vient, tu sais que sometimes Dieu est en train de faire quelque chose. Pas, c'est pas bien. And most of the time, it's not what you want. Et la plupart du temps, c'est pas ce qu'on veut. Yeah. Ça, c'est la prière de consécration. Tu crois en Dieu et tu te remets à Dieu que Dieu. Je sais que tu fais quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Je crois. Non. The next one, prayer of faith. La chose suivante, c'est la prière de foi. Prayer of faith. La prière de foi. Prayer of faith is when you need an answer now. La prière de foi, c'est quand tu as besoin d'une réponse maintenant. You understand? Like somebody is sick. C'est comme quelqu'un qui est malade. You pray a prayer of faith. Et tu fais une prière de Believing foi. That the person is healed Croyant now. Que la personne est guérie maintenant. Yeah. That's what Bishop used when he's doing it. C'est ce que l'évêque utilise. He's doing the convention. Quand il fait une convention. Said if you are sick somewhere, il dit, si tu es malade quelque part, put your hand there. Mets ta main là-bas. I'm praying for you. Je prie Believe pour toi. Now. Crois maintenant. You are healed. Tu es guéri. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Prayer of faith. La prière de foi. Yeah. Are you here? Vous êtes là. Yeah. John, James 5, verse 15. Jacques 5, verset 15. James 5. Jacques 5. Prayer of faith. La prière de foi. James 5, 15. Jacques 5, 15. Okay. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and he will be committed a sin, they shall be forgiven. La prière de foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Hallelujah. Amen. That's prayer of faith. Prayer of confession of sins. La prière de confession des péchés. Hallelujah. Amen. That's when you confess your sins. C'est quand tu confesses tes péchés. As a kind of prayer. C'est un type de prière. Amen. Amen. So prayer of consecration. Donc la prière de consécration. Prayer of faith. La prière de foi. And prayer of confession of sin. Et la prière de confession you des péchés. You cannot pray when you haven't confessed your sins. Tu ne peux pas prier quand tu n'as pas confessé tes péchés. Your prayer will not be effective. Ta prière ne sera pas efficace. 1 John 1, 8. 1 Jean 1, 8. 1 John chapter 1, verse 8. So if we say that we have not sinned, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons, et la vérité n'est pas en nous. Alléluia. Amen. And the next one is short and powerful prayer. Le suivant, c'est les prières courtes et puissantes. Alléluia. Amen. Amen. Amen. You remember when Jesus rebuked the wind and the water. Vous vous souvenez de quand Jésus a réprimandé la mer et le vent? To stop. D'arrêter. When they were in the boat. Quand ils étaient dans le bateau. Do you remember? Est-ce que vous vous souvenez? Do you remember? Est-ce que vous vous souvenez? Yeah, that's a short and powerful prayer. Ça c'est une prière courte et puissante. Amen. Yeah. Mark chapter 4 verse 39 said, and he arose and rebuked the wind. Mark chapter 4 verse 39. Mark and rebuked 4. The wind. And send up to the sea, be peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Marc 4, 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. That's a short and powerful prayer. Ça, c'est une prière courte et puissante. Hallelujah. Amen. It's the same prayer that God, Jesus prayed to raise Lazarus. La même prière que Jésus a faite pour ressusciter Lazare. Yeah. Short and powerful prayer. Courte et puissante. And then we have long prayer. Et nous avons de longues prières. Yeah, that will pray all night. Que tu as prié toute la nuit. Yeah, Luke chapter 6 verse 12, he said, and it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. Mark 6:12. Luke 6:12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Amen. That's a long prayer. Ça, c'est une longue prière. You know, if you don't pray, if your life in your life you don't pray long prayers. Si dans ta vie tu ne fais pas des prières longues, your life will be in a certain way. Ta vie sera d'une certaine manière. Yeah. There are certain things that will not go. Beaucoup de choses qui ne vont pas avancer. A lot of things that will not go just by 1 minute prayer. Il y a des choses qui ne vont pas partir juste par une prière de 1 minute. Alléluia. Amen. Une longue prière. Donc des prières longues. And sometimes you need just one topic. Et parfois tu as besoin de juste And un sujet. Long for a long time. Et tu peux prier pour un long moment. Alléluia. Amen. And that's why you need to pray like you need speaking in tongues. Voilà pourquoi tu as besoin de parler en langue. Because if you have to pray the whole night. Parce que tu dois prier toute la nuit. I'm sure all your vocabulary will finish in your own language. Je suis sûr que tout ton vocabulaire va terminer. Yeah. So you need speaking in tongues. Donc tu as besoin de parler en langue. To help you to pray for a long time. Pour t'aider à prier pour un long moment. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Loud prayers. Des prières à haute voix. Yeah. Loud prayers. Des prières à haute voix. Jesus prayed loud prayers. Jésus a fait des prières à haute voix. Hebrews chapter 5 verse 8. Hébreux 5, 8. Chapter 5, verse 7, sorry. Hébreux 5, 7. Who in the day of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong cries and tears unto him that was able to save him from the dead, and he was heard in that he feared. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Amen. So that's loud prayer. Sometimes you have to speak loud. Parfois tu dois parler à haute Very voix. Loud. Très haut. Ah. But most of the time, just quiet prayers. Mais parfois aussi il y a des prières juste silencieuses. Quiet prayers. Hallelujah. Prières silencieuses. Amen. Amen. You can't get up and be speaking loud every day. Tu ne peux pas te lever tous les jours et crier à chaque fois. Yeah. But the loud prayers come with desperation. Mais là, les prières hautes viennent avec l'inspiration. Desperation. Avec le désespoir. Yeah. Desperation. Hallelujah. Le désespoir. Are you here? Are you blessed? Est-ce que vous êtes béni? Are you sure? Êtes-vous sûr? It looks like you're tired. Il semble que vous êtes fatigué. And prayer of thanksgiving. Les prières d'action de grâce. Thanksgiving. Action de grâce. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. And in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Rendez grâce à toutes choses à Dieu, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Alléluia. Amen. In everything give thanks. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. For this is the will of God. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Concerning you. À votre égard. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessaloniciens 5 18. Alléluia. Amen. And the last one. Et la dernière. Prayer. Praying in the spirit. Prier dans l'esprit. Hallelujah. Amen. Have you noted all the different kinds of prayer? Vous avez noté tous les différents types de prières. Yeah. So you can start to pray them. Tu peux commencer à prier. Prayer of consecration. La prière de consécration. Prayer of faith. La prière de foi. Prayer of confession of sins. La prière de confession de péché. Long, short and powerful prayers. Les prières courtes et puissantes. Long prayers. Les longues prières. Loud prayers. Les prières hautes. Prayer of thanksgiving. Prière d'action de grâce. And praying in the spirit. Et la prière dans l'esprit. Hallelujah. Amen. Praying in the spirit. Priez dans l'esprit. Please stand up. Levez-vous s'il vous plaît. Pray in the spirit. Priez dans l'esprit. Wow. Wow. Are you blessed? Yes. Are you blessed? Êtes-vous béni? Pray in the spirit. Hallelujah. Pray in tongues. Begin to pray in tongues. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Thank God, Father, we thank Merci you. Merci Dieu. Celebe, kele shambo, antelebro, celeba, calabro, celebe, kele mambro, celeba, calamambro. Oh, lembro, celebe, kele mambro, celema, malababa, calamambra, malababa, kamamara, malababa. Ikele mambra, malababa, kamamara, malababa, kamamara, malababa, kamamara, malababa. Oh, lembro, celeba, calamambro, celebe, celebe, celebe, celebe, celebe. You know, in First Corinthians chapter 14. Vous savez, dans 1 Corinthiens 14, verse 17. Verset 17. The Bible says that when you speak in tongues, la Bible dit que quand tu parles en langue, you thank God better. Tu remercies Dieu mieux. Tu remercies mieux Dieu. Yeah. Have you seen it before? Et vous avez vu ça Open déjà? Your Bible. Ouvrez vos Bibles. 1 Corinthians chapter 14, verse 17. 1 Corinthians 14, verse 17. You thank God better. Tu remercies mieux Dieu. For thou verily givest thanks well, but the other is not edified. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Yeah. 1 Corinthians chapter 14 is all about praying in tongues and prophecy. 1 Corinthiens 14, ça s'agit, il s'agit du parler en langue et des prophéties. Yeah. So for thou givest Thou verily giveth thanks well, but the other is not edified. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. So sometimes just say, Lord, I thank you. Donc parfois tu vas juste dire, Seigneur, je te remercie. Bro, celeba, kalamambro, celebebebebe, kelemamra, mamba, kalamambro, celemamra, mamba. Ale bro, celebe, kelebro, celebe, kelebro. Because you, God has done a lot of things that you don't know. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses que tu ne sais pas. You only know the few things. Tu sais juste un peu de choses. So as you are praying in tongues, you are thanking God well. Donc quand tu pries en langue, tu remercies for bien all Dieu. Those things that you don't know pour about, toutes ces choses que tu ne connais pas. That God has done in your life. Que Dieu a fait dans ta vie. Bro celebe, kelemamro, celemamra, mamba, kalamamro, celeba, kelebre, celebe. I kelebro, celeba, kalamamro, celemamra, mamba, kamamra, mamba. Oh, Father, we bless you. Father, we thank you. Lord, we give you glory. We give you honor. In the name of Jesus, we bless you. Please close your eyes. Fermez vos yeux. If you are here, you are not born again. Si tu n'es pas né de nouveau. But you want to be born again. Mais tu veux être né de nouveau. The Bible says, unless you are born again, you cannot see the kingdom. La Bible dit, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. You don't want to go home without receiving Christ Mais as your Savior. Ce soir, tu ne veux pas rentrer à la maison sans recevoir Jésus comme ton Sauveur. Here, I want you to lift up your eyes, close your eyes. Si tu es ici, je veux que tu lèves la main, fermez vos yeux. Lift up your hands. Lève ta main. Pray with you. Je vais prier avec toi. Before you go home. Avant que tu rentres. Father, thank you. Father, give you glory. In the name of Jesus. And everyone say, Amen. Amen. Please clap your hands. Be seated.